Micro ouvert. Je voudrais savoir s'il y en a un qui est là. Voilà. Et voilà. Donc ça fait pas beaucoup quoi. Mais, ouais. Début de ce micro ouvert, on peut entendre la voix d'Alex du journal Kairos qui demande à l'Assemblée s'il y a des élus dans la salle pour assister à la soirée que vous allez entendre là tout de suite. Il y a juste une main qui s'est levée. Voilà. Et donc, juste une main qui se lève pour discuter de cette technologie, de discuter ou de réfléchir, hein, ou en tout cas de participer à ce qui se dit. Sur les technologies invasives, hein, vous voyez ces compteurs dits intelligents, ces tableaux blancs interactifs, la 5G. La question c'est, peut-on encore dire non ? Pour cette soirée, il y avait trois personnes, une intervention de Wendy de Hampstein, Paul Lanois et une intervention de Bernard Legros. Je ne vais pas répéter tout ce qui se dit, c'est bête, hein, c'est intéressant d'entendre ce qui se dit, mais ce que je retiens c'est que tous les vivants, tout le vivant est électrosensible, en ce sens que l'on ne fonctionne pas uniquement des principes biochimiques, on fonctionne aussi sur des principes biophysiques, et donc on est électrosensible. Voilà, alors évidemment il y a des gens qui sont peut-être, comme qui dirait, électro-hypersensibles, mais c'est pour dire qu'en fait, on est tous sensibles et ça devient la folie, hein, puisqu'on parle même pas là des smart cities qui sont en voie de rêve, de ces gens qui prennent des décisions au nom de tout le monde. Voilà, ça pose des questions. Ça va mieux. Et pour le savoir, nous avons donc invité trois personnes finalement sur la soirée. Et la première qui va vous dire ce qui se passe ici maintenant en Belgique est Paul Lanois, que j'accueille à l'instant. Paul Lanois est physicien. Il a assumé des responsabilités politiques, a été député européen. Et aujourd'hui, il anime un groupe, le GRAP, qui s'occupe effectivement de politique environnementale. Et donc, pendant une demi-heure, il peut faire moins s'il veut, mais pas plus, je serai très sévère, il va nous dire ce qu'il pense de ce qu'on vient de voir ici et de ce qui se passe chez nous, peut-être en France, qui nous a devancés, semble-t-il, d'une année ou deux, en Belgique, et voir comment nos dirigeants, nos responsables de sociétés d'électricité dans un premier temps, agissent dans cette question de compteurs dits intelligents. Merci Alain, bonsoir à tous. Je dis bonsoir parce que je crois qu'il est 19h, donc on est presque en automne, donc c'est la soirée. Je vais être très clair au départ, je ne suis pas ici pour faire une évaluation coût-bénéfice des compteurs dits intelligents, mais pour dire qu'il faut les refuser. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, je voudrais donner une précision, ça a été dit dans le film par un intervenant. Je n'aime pas l'expression compteur intelligent, c'est de la propagande. Ce n'est pas de l'information, ces compteurs ne sont pas intelligents, ce sont des compteurs communicants. C'est-à-dire, ils communiquent dans les deux sens, vers le distributeur d'électricité ou de gaz et vers le consommateur. Mais ils ne sont pas intelligents. Ça, c'est une expression, c'est exactement comme les produits phytosanitaires que sont les pesticides. Quand on dit phytosanitaire, c'est positif. Quand on dit intelligent, c'est positif. Mais les pesticides, ce n'est pas positif, ça tue. Par définition, le suffixe « seed », ça veut dire que c'est un produit qui tue les insectes, qui tue les champignons, les levures, les herbes. Donc, ça tue. Et ici, les compteurs, ils communiquent et ils ne sont pas intelligents. Mais ça va m'échapper dans le débat, je vais quand même le dire parce que on est prisonnier du discours ambiant, mais je mettrai toujours des guillemets. Donc, si j'oublie de les mettre, vous supposez que je les ai mis. Donc voilà, j'ai intitulé mon exposé « Pourquoi faut-il refuser les compteurs intelligents ?» Et je vais commencer par quand même vous donner quelques précisions sur ce que sont ces compteurs. Donc le compteur intelligent, si vous pouvez passer la première dia. Ou vous passez à la suite. Ah voilà. Donc le compteur intelligent, voilà la définition. C'est un système électronique qui peut mesurer l'énergie prélevée ou injectée. Je suppose que j'ai ça sur l'ordinateur ici, on ne sait rien. Donc ça mesure l'énergie prélevée ou injectée et ça donne des informations qu'un compteur classique électromécanique ne donne pas. Donc c'est vrai que du point de vue de l'information, c'est un progrès. Et il peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique, mais, élément très important, il peut être actionné à distance. Ça veut dire que le distributeur d'électricité, le gestionnaire du réseau, chez vous ici c'est Sibelga, c'est ça? Comme ça que ça s'appelle? En Wallonie, ce n'est pas Sibelga, alors je... Sibelga, voilà. Eh bien, Sibelga est techniquement en mesure de vous couper l'alimentation en électricité sans vous prévenir rien du tout. Je ne dis pas qu'ils vont le faire, je dis que c'est possible, techniquement. Alors, dia suivante. Ici, je dois faire une précision. La technologie qui a été évoquée tout au long du film précédent, c'est aux États-Unis, ce n'est pas la même que chez nous. Alors, aux États-Unis, ça fonctionne par émission de micro-ondes. Ça a été dit d'ailleurs longuement. Donc, c'est dans des gammes de fréquences dans les gigahertz, alors qu'ici, ce n'est pas du tout le même système. Et vous allez voir sur la dia suivante, vous montre bien le schéma du compteur. Dia suivante, s'il vous plaît. Voilà. C'est un schéma qui ne correspond pas au système bruxellois parce que le compteur Linky est celui qui sera installé, si on les installe, en Wallonie et qui est installé en France également, mais c'est le même principe. Alors, le principe, c'est qu'on injecte dans les câbles qui vous livrent l'électricité, on superpose un courant alternatif à haute fréquence dans la gamme des kilohertz. Donc, il y a un signal à haute fréquence qui est envoyé et qui communique avec le système électrique de votre intérieur et qui envoie l'information donc dans un concentrateur qui, lui, alors rayonne par micro-ondes vers le centre de gestion des données. Donc, il y a une double installation. Il y a le compteur dans la maison qui fonctionne avec le courant. Il vous livre le courant en 50 Hz et il ajoute un signal supplémentaire, ou plutôt des pulsations régulières de signaux dans la gamme des kilohertz. Et ça va dans les deux sens, bien entendu, puisque c'est communicant dans les deux sens. Et ça va vers un concentrateur. Alors le concentrateur, il se trouve dans le quartier et il est connecté à une grappe de compteurs, c'est-à-dire en général une dizaine de maisons, une dizaine de, de foyers qui sont connectés à un même concentrateur. Donc, ce qui veut dire que quand une maison a un compteur dit intelligent, les signaux sont envoyés régulièrement par le concentrateur et le compteur fonctionne aussi dans l'autre sens, mais ces signaux se retrouvent sur le réseau pour toutes les autres maisons, même s'il n'y en a qu'un. En général, il y en a plusieurs. Évidemment, ça n'intéresse pas le distributeur de n'avoir qu'un ou deux, une ou deux habitations connectées. Ils ont besoin d'avoir beaucoup d'habitations connectées pour que ça soit rentable. Donc ça, c'est la technologie CPL qui n'est pas du tout celle des États-Unis. Donc, c'est vrai que dans ce domaine des kilohertz, on a beaucoup moins de données, mais ça, on en parlera tout à l'heure, que dans la gamme des micro-ondes. Mais les concentrateurs, par contre, rayonnent en micro-ondes vers le centre de gestion. Donc, ce qui veut dire que ce qu'on appelle l'électrosmog dans le domaine des micro-ondes va évidemment être largement augmenté avec ces émissions permanentes vers le centre de gestion. Alors, dia suivante, le compteur dit intelligent fournit également à l'utilisateur du réseau des informations en temps réel. Ça s'est présenté comme un avantage, c'est-à-dire que le consommateur que vous êtes pourra lire en permanence sur son compteur ce qu'il consomme. Donc, c'est vrai que ça peut paraître intéressant, encore que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent tellement à leur consommation régulière au point de passer des heures à aller regarder la consommation. Mais enfin, en temps réel, puisque c'est l'expression à la mode, en temps réel, on peut voir ce qu'on prélève et ce qu'on injecte sur le réseau, par plage horaire, et tout ça est affiché sur l'écran du compteur. Alors, le compteur, au départ, est doté de fonctionnalités très différentes du compteur classique, donc coupure et autorisation d'ouverture à distance du compteur, lecture à distance des index pour l'énergie active prélevée et injectée. Je vais passer la dia suivante pour ceux qui n'entendraient pas bien ou qui souhaiteraient avoir le texte, comme ça ils ont en même temps le son et l'image. Donc, lecture à distance et modulation de la puissance aussi. On peut moduler la puissance contractuelle du raccordement. Alors je vais passer dia suivante à la législation actuelle. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais au mois de juillet, pendant les vacances, le Parlement bruxellois et le Parlement wallon, d'ailleurs en parallèle, ont adopté très rapidement à Bruxelles une ordonnance, et ça s'appelle en Wallonie un décret, fixant le programme et les modalités de déploiement des compteurs intelligents, entre guillemets, toujours intelligents, à Bruxelles et en Wallonie. Donc l'ordonnance bruxelloise, je l'ai consultée avec beaucoup de difficultés cette semaine-ci parce que la publication sur le site du Parlement, des travaux du Parlement, ce n'est pas vraiment un modèle de clarté. Je vous le dis tout de suite, si vous allez voir, vous allez avoir des difficultés énormes à trouver les textes qui ont été votés et le texte des débats. J'y suis arrivé, mais après beaucoup de travail. Alors le texte qui a été adopté, l'article 24.1 dit exactement ce qu'il en est, avec tout un blabla de départ, tout en tenant compte de l'intérêt général et dans des conditions d'optimisation des coûts et bénéfices, ça c'est le discours, hein. Le gestionnaire du réseau installe progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution, conformément aux critères et segments ou secteurs prioritaires définis dans le plan d'investissement. Ça n'a pas d'importance, à viser à l'article 12. Alors voilà tous ceux qui sont concernés au départ. L'installation d'un compteur intelligent a par ailleurs lieu systématiquement dans les cas suivants. Lorsqu'on remplace un compteur ou lorsque l'utilisateur du réseau le demande, ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, lorsqu'on procède à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation. Donc ça ne passe pas inaperçu, les travaux de rénovation. Là vous êtes automatiquement dépositaire d'un nouveau compteur. Lorsque l'utilisateur du réseau est prosumeur, donc par exemple qu'il a des panneaux photovoltaïques sur son toit et qu'il est raccordé, cette électricité du panneau photovoltaïque peut être réinjectée sur le réseau. Vous êtes un prosumeur, c'est-à-dire à la fois un producteur et un consommateur. Et à ce moment-là, vous êtes concerné aussi. Et alors, si vous avez un véhicule électrique, même chose. Vous devez le signaler au gestionnaire du réseau et en ce cas, un compteur intelligent est installé. Donc, voilà le premier article. Alors, petite phrase qui passe un peu inaperçue mais qui est importante. Le gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités d'installation. Dia suivante, c'est la plus importante. Paragraphe 2, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent ni en demander la suppression. On est en plein autoritarisme politique. Donc, vous ne pouvez pas refuser avec tous les arguments les meilleurs du monde, c'est non. Si vous êtes dans les catégories qui viennent d'être citées. Et à terme, le programme étant d'installer partout des compteurs intelligents, contrairement à ce qui est dit par certains responsables politiques bruxellois, l'objectif est d'installer partout des compteurs intelligents. Hein, avec un calendrier qui va être étalé, parce que c'est vrai qu'au départ, ils voulaient les mettre tout de suite partout, mais comme ça va coûter très cher, et qu'en plus, ils savent bien qu'il y a une opposition assez forte à une généralisation, on a planifié un déploiement progressif. Ça fait passer la pilule plus facilement, puisqu'on va d'abord toucher une certaine catégorie, quelques catégories de personnes, et puis progressivement, on va les installer partout. Puisque de toute façon, un jour ou l'autre, il faut remplacer un vieux compteur, donc ce sera nécessairement par un compteur communicant. Alors, il a été dit à plusieurs reprises, et notamment dans le débat bruxellois, mais aussi au Parlement wallon, que les directives européennes exigeaient le déploiement des compteurs intelligents. Alors, voilà le premier texte. La première directive concernée, c'est la première qui a parlé des compteurs dits intelligents. Et là, ils ne mettent pas de guillemets. Hein, au niveau de la Commission européenne et le texte qui a été voté par le Parlement et le Conseil des ministres, n'a pas mis de guillemets, c'est moi qui ai mis les guillemets. En 2009, la directive 2009-72-CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité recommande. Donc c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Il faut quand même être clair là-dessus. Donc quand on dit qu'il y a une obligation, c'est faux. Il y a une recommandation, et ça c'est vrai, parce qu'ils sont convaincus que ça encourage l'efficacité énergétique et les productions décentralisées. L'efficacité énergétique, je me permettrai de vous dire ce qu'il en est dans quelques instants. Mais la même directive précise, donc 2009, que la mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique. Évaluation économique qui a été commandée par le gouvernement wallon vers 2010-2011, donc après l'adoption de la directive, qui a conclu d'ailleurs à l'époque cette évaluation économique que ce n'était pas très rentable, sauf pour les très gros consommateurs. Donc c'était considéré comme déficitaire, et ça ne devenait rentable, à condition que tous les gros consommateurs soient équipés, qu'après 10 ans d'installation. Alors ça commençait à devenir rentable. Donc ça, c'est la toute première directive. Alors il y a une deuxième directive adoptée relative à l'efficacité énergétique, adoptée en 2012, plus récente. Là aussi, il a été dit, notamment dans le texte d'explication de l'ordonnance bruxelloise, il a été dit qu'il y avait une obligation européenne. C'est faux. Je vous renvoie au texte. Si vous avez le courage d'aller voir sur Internet, vous irez voir le texte de la directive. Il n'exige absolument pas que les États membres installent des compteurs intelligents. Ils exigent qu'il y ait des compteurs qui permettent de donner des informations régulières sur les plages horaires, etc. Donc, certaines fonctionnalités sont exigées, mais pas le terme compteur intelligent n'est pas repris comme obligation. Alors, j'en viens maintenant à tout ce qui motive ma prise de position, qui est très claire, je la répète, il faut refuser. Bon, ça n'a pas été entendu par la majorité bruxelloise ni par la majorité wallonne, mais ça ne fait rien, on a encore des atouts à faire valoir. Alors, premier élément que je mets en cause, est-ce que les compteurs intelligents font, comme le dit le texte de la directive européenne de 2009, faire des économies d'énergie? Est-ce que ça améliore l'efficacité énergétique? Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails des études scientifiques qui ont été données, mais je me base sur les faits. Aux Pays-Bas, 25% des ménages sont déjà équipés. L'économie réelle, telle qu'évaluée aujourd'hui, montre qu'on a fait moins de 1% d'économie. Et en plus, on a fait toute une information aux gens pour leur dire comment ils devaient faire pour mieux utiliser les plages horaires où les tarifs sont plus avantageux. Donc, il y a eu toute une campagne d'information. Mais économie, moins de 1%. En France, le 7 février 2018, le rapport de la Cour des comptes a été absolument assassin sur la politique menée en France. Où là, il y a une obligation. C'est tout juste si on ne casse pas les barrières pour entrer chez vous et vous imposer un compteur. Je signale qu'il y a eu quand même la semaine dernière, je crois il y a quelques jours, une décision d'un tribunal disant que toute personne avait le droit de refuser que quelqu'un de force vienne chez lui lui installer un compteur. Donc on ne peut pas violer la propriété privée comme ça s'est fait aux États-Unis, comme vous l'avez vu dans le film. Alors, le rapport de la Cour des comptes du 7 février 2018 juge l'impact sur les économies insuffisant et estime que le déploiement des compteurs profite surtout à Enedis. Enedis, c'est la compagnie qui installe les compteurs et pas suffisamment aux consommateurs. Donc la Cour des comptes est toujours très prudente dans ses formulations. Moi, j'estime que ceci est un aveu de nullité de la politique d'installation généralisée des compteurs, puisque ça ne donne pas d'effet en matière d'économie. Alors, dia suivante, un autre exemple, le rapport britannique, les économies d'énergie obtenues grâce à l'installation des compteurs seraient de l'ordre de 0 à 5% et plus proche de 0 que de 5. Et ça, c'est un rapport d'une organisation qui s'appelle IOD, qui est une organisation des milieux industriels. Donc, ça ne vient pas des associations de protection des consommateurs, ça vient des industriels eux-mêmes qui contestent la généralisation de ces compteurs. Alors, je signale quand même que l'Allemagne, après avoir fait une évaluation économique, a renoncé définitivement à l'installation généralisée. Elle réserve l'installation uniquement aux gros consommateurs. C'est ce qui a fait changer de ton, d'ailleurs, la directive 2012 par rapport à 2009, elle est beaucoup plus prudente sur le caractère recommandé d'installation des compteurs partout. Alors, sur le coût du déploiement des compteurs, alors moi, je n'ai pas d'analyse détaillée. Je vous ai dit l'étude qui a été commandée par la COAP. La COAP en Wallonie, c'est la commission wallonne, je ne sais plus ce que c'est, A d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, sur la politique énergétique. Donc, c'est une commission d'experts qui étudie la politique énergétique et qui fait des recommandations au gouvernement wallon. Alors, ici, à Bruxelles, je ne connais pas la situation, donc je n'en dirai rien. Mais eux avaient donc conclu que ce n'était pas rentable sauf pour les gros consommateurs. Mais il y a trois éléments que je veux mettre en avant qui montrent qu'il y a un surcoût évident par rapport aux compteurs classiques qui, c'est bien connu, sont stupides. La durée de vie des compteurs est estimée à 15 ans. Bon, j'ai lu tout à l'heure qu'on disait 5 à 7 ans. Je pense que c'est plus réaliste de dire 5 à 7 ans, mais enfin, eux, ils annoncent 15 ans pour les compteurs qu'on devrait installer. Mais les compteurs actuels, électromécaniques, qui sont très robustes, ça a une durée de vie 40 ans. Donc, premier élément, à partir du moment où il faut les remplacer souvent, parce que quand même 15 ans, c'est pas tellement, il faut les remplacer souvent, c'est un surcoût. Je signale que les coûts sont toujours à charge des consommateurs. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui va payer, c'est les consommateurs. Deuxième élément qui fait que ça entraîne des surcoûts, c'est le risque de panne et de dysfonctionnement qui, de toute façon, est toujours plus élevé dans un système électronique que dans un système électromécanique. On a plus facilement des pannes. S'il y a des surcharges, s'il y a des orages, il y a toujours des problèmes sur les lignes, ça entraîne nécessairement des risques de destruction du compteur lui-même. Et enfin, trois, vous avez vu qu'il y avait toute une infrastructure électrique, avec les concentrateurs et puis le centre de gestion, tout ça consomme de l'électricité aussi. Donc il y a une surconsommation due au compteur lui-même, le compteur consomme aussi, et tout le système de communication en amont. Donc trois éléments qui font que ça coûte plus cher. Alors, éléments qui évidemment préoccupent beaucoup, notamment les personnes électro-hypersensibles, c'est les risques sanitaires. Alors ici, j'insiste bien pour dire, je suis prudent dans ma façon de formuler, je n'aime pas affoler bêtement. Je dis simplement qu'on n'est pas dans le système américain où ça fonctionne avec des micro-ondes, on fonctionne ici avec du courant porteur en ligne. On a, concernant l'effet de ces fréquences dans le domaine des kilohertz, c'est-à-dire des milliers de hertz, des fréquences qui sont surajoutées sur la ligne, sur le réseau à 250 hertz. Il n'existe à l'heure actuelle, dit l'ANSES. Alors l'ANSES, c'est un organisme public français qui est l'Agence nationale de la santé, environnement et sécurité. Je crois que c'est ça. Qui est un organisme qui donne des avis en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Et il dit ceci, il n'existe à l'heure actuelle que peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à l'exposition aux champs électromagnétiques dans les bandes de fréquences relatives au CPL. Donc, je rappelle, le CPL, c'est le système de nos compteurs ici, nos futurs compteurs. Et l'agence, l'ANSES, appelle à poursuivre l'étude de ces effets potentiels. J'en conclus qu'on n'en sait pas grand-chose, donc il faudrait faire des études. Alors, logiquement, on devrait penser qu'il serait souhaitable de faire les études avant de mettre les compteurs. Bon, ben, ce n'est pas le cas. Alors, quand même, une remarque que j'ai déjà faite tout à l'heure, mais je la répète. Dans la gamme des micro-ondes, le système de connexion de concentrateur avec le centre de gestion se fait par micro-ondes. Là, vous avez nécessairement de nouvelles antennes, puisqu'il y a un concentrateur pour une dizaine de maisons, ben ça fait beaucoup quand même, donc ça va faire plein de petites antennes supplémentaires dans votre quartier. Alors, élément supplémentaire qui a été évoqué par Samuel Milam dans le film, qui est un épidémiologiste californien, l'électricité sale. Ce qu'on appelle l'électricité sale, c'est une électricité qui est polluée par des fréquences qui ne doivent pas se trouver sur le réseau. Donc, ce 50 Hz, normalement, il n'y a pas d'autres fréquences. Alors, il y a toute une série d'appareils qui provoquent effectivement des signaux parasites. Donc, par exemple, ça se manifeste par des grésillements, des mini-court-circuits. Et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des techniciens et des industriels de l'électricité, des hautes fréquences transitoires. Donc, HFT. Ils mettent chaque fois HFT. Donc, si on a oublié ce que ça veut dire, rappelez-vous que c'est haute fréquence transitoire. Alors, ici, elles ne sont pas tellement transitoires, puisqu'avec le système CPL, on génère en permanence des HFT, des hautes fréquences transitoires. Donc, sur le réseau, à l'intérieur des habitations, vous n'avez pas seulement le 50 Hz, donc la fréquence de distribution, vous avez aussi ces signaux multiples par pulsation régulière, parce qu'il y a à peu près, selon les chiffres officiels français, 4 à 10 pulsations par minute. Donc, quand on vous dit que c'est deux fois par jour, pour relever le compteur, c'est faux. Il y a des pulsations en permanence, et si votre voisin est connecté et que vous ne l'êtes pas, vous recevez quand même le message aussi sur votre circuit intérieur. Donc, il y a effectivement des hautes fréquences transitoires générées par toute une série d'appareils qui sont maintenant utilisés, notamment par les lampes fluocompactes, les ordinateurs. Bon, je signale quand même que les ordinateurs et les lampes fluocompactes, en principe, ça ne fonctionne pas pendant la nuit, c'est-à-dire quand on dort, alors que le système CPL fonctionne tout le temps. Donc, c'est très différent. Là, on a donc un système qui envoie en permanence, dia suivante, le système CPL envoie en permanence des hautes fréquences transitoires dans le réseau, et on peut dire donc que l'exposition aux hautes fréquences transitoires est continuelle avec ce système de compteurs communicants qui fonctionne en CPL. L'objet un peu connecté, mais tu as 25 minutes. Oui, ben tant pis. Excuse-moi, mais je vais prendre quelques minutes en plus. Alors, l'électricité sale est mise en cause par peu de scientifiques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont étudié, parce qu'en général, ce sont des signaux qui s'ajoutent de façon sporadique, mais ici, c'est nouveau dans la mesure où c'est tout le temps. Alors, une étude épidémiologique a été réalisée par l'épidémiologiste qui s'est présenté tout à l'heure, Samuel Milam, qui a étudié sur une école où, de façon tout à fait extraordinaire, il y avait des cas de cancer tout à fait en surnombre. Et il a lié ça à l'exposition à l'électricité sale. Alors, je signale quand même que les électro-hypersensibles, qui ne sont pas des affabulateurs, j'en connais beaucoup, disent être très douloureusement touchés par les rayonnements des CPL. Donc l'électricité sale est ressentie très douloureusement par eux. Alors, puisqu'on me demande d'accélérer, je vais le faire quand même, parce que je suis poli. Sur dia suivante, autre élément à charge, puisque ici il y a la santé et il y a l'inefficacité en matière énergétique et le coût. Sur le risque de piratage, de nombreux experts en informatique et en gestion de ce type d'appareillage sont d'accord pour dire qu'il y a un risque de piratage permanent, que les codes qui protègent les données sont des codes rudimentaires. Et je viens d'avoir une conversation de 2-3 minutes avec un monsieur qui était présent et qui a dû nous quitter avant l'exposé, pour me signaler qu'il avait été en contact avec un expert lui disant la même chose. Donc il confirme que ces compteurs sont très mal protégés par les codes actuels. Alors je signale, et ça c'est une étude d'un chercheur de l'ULB qui a très bien travaillé sur ce dossier, qui est M. Wallenborn, chercheur à l'ULB, qui a dans un de ses textes écrit ceci: l'Allemagne a exigé que les échanges de données entre les compteurs et le réseau se fassent au niveau de sécurité des télécommunications bancaires. Cette exigence augmente considérablement les coûts du système. C'est ce qui fait que l'Allemagne, comme les coûts étaient trop élevés, a dit: ah non, on arrête, on n'impose plus la généralisation de ce type de compteur parce qu'on exige une réelle protection des données. Je signale que la directive européenne de 2012 dit qu'il faut protéger vraiment les données personnelles. Bon, on peut s'interroger. Dans le texte officiel, ils disent qu'on va faire le maximum, quoi. Il faut faire confiance aux distributeurs. Moi, j'y crois pas. Je crois qu'à un moment donné, ça deviendra tellement une marchandise rentable qu'au fil du temps, on va relâcher son attention et les données seront exploitées commercialement. Alors, sur l'insécurité des compteurs, les compteurs qui prennent feu, j'ai mis un extrait de journal français. En Haute-Garonne, deux compteurs qui ont pris feu, 27 du 11 2017, il n'y a pas très longtemps, donc en novembre de l'année passée. Mais il y en a eu beaucoup avant et plus après. Mais c'est plus lié à l'incompétence, apparemment, des installateurs. Bon, moi, je veux bien l'admettre, mais il n'empêche que les compteurs sont fragiles. Et qu'il n'est pas étonnant qu'à un moment donné, il se retrouve en train de flamber. Alors, c'est ce qui s'est passé au mois de mars en Meurthe-et-Moselle, où une personne a été intoxiquée par les fumées de l'incendie. Le type était dans son lit et il est mort asphyxié. Alors là, l'élément le plus important, si tu permettras Alain quand même d'insister un peu sur ce point-là, parce qu'il est très important, c'est sur le caractère intrinsèquement intrusif, et pour moi ça c'est l'élément le plus grave des compteurs intelligents, entre guillemets. Il y a une conférence internationale de protection des données et de la vie privée qui s'est réunie déjà en novembre 2009 à Madrid et qui a dit: les nouveaux compteurs, puisqu'à ce moment-là, 2009 c'est l'année de la première directive, les nouveaux compteurs sont des outils puissants pour s'immiscer dans la vie privée. Et ce n'est pas dit par des hurluberlus ou des écologistes maladifs. C'est dit par des experts de protection de la vie privée. Les fonctionnalités des compteurs intelligents violent le droit à la vie privée tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont dit deux experts néerlandais en 2008. C'est ce qui fait qu'aux Pays-Bas, on est passé d'une obligation généralisée à un fractionnement comme en Belgique, où on impose aux grands consommateurs, mais pas aux autres. Donc, mais ce sont deux chercheurs de l'université de Tilburg qui ont alerté la ministre à l'époque pour lui dire qu'elle faisait fausse route et elle a dû reculer. Donc ça, son texte de loi a été modifié. Alors, j'ai une de mes connaissances qui est un... Je fréquente parfois des gens comme ça, un doyen honoraire de la faculté de Nancy, qui a écrit un article récemment à ce sujet. Et voilà ce qu'il dit. Il dit « Les données recueillies par le compteur sont globales et ne renseignent pas encore sur la consommation individuelle de chaque appareil, mais ces données dites globales peuvent être recueillies sur un pas de temps court et fournir pour cette raison une indication détaillée sur le mode de vie des abonnés. » Donc, le mode de vie de chacun d'entre nous est susceptible d'être espionné en permanence, et connu en tout cas, par le gestionnaire de réseau. Les données enregistrées dans la courbe de charge sont des données personnelles soumises au régime de protection nationale et européen, dit M. Olivier Cachard, qui est doyen honoraire de la faculté de Nancy. Et alors, dernier élément, et j'en termine, avant ma conclusion qui va quand même durer 30 secondes, les compteurs intelligents le sont-ils vraiment? Eh bien, une étude de l'université de Twente, toujours aux Pays-Bas, a montré que les mesures effectuées par des compteurs du même type que le Linky et que celui qu'on va mettre ici à Bruxelles, les mesures étaient complètement erratiques, c'est-à-dire que selon qu'il y avait sur le réseau des appareils un peu bizarres comme des LED, c'est plus tellement bizarre les LED, ou qu'il y avait par exemple des lampes basse consommation mais aussi des chauffages électriques, des dimmers, donc toute une série d'appareils, les compteurs donnaient des mesures qui n'étaient pas du tout réelles. Donc, ça surfacturait ou ça sous-facturait, mais c'était erratique. Donc, j'ai donné ici les résultats. Là, on a atteint jusqu'à 582% d'erreurs. C'est énorme. Donc, c'était tellement énorme que ça a aussi refroidi très fort les politiques des Pays-Bas dans leur volonté de généraliser. Alors, quels sont les gagnants et les perdants dans cette affaire? Vous avez compris que les perdants, c'était nous tous. Mais les gagnants, ce sont les fabricants de compteurs. Il y a un lobby de fabricants de compteurs qui s'appelle ESMIG, qui a son siège ici près de, au boulevard Reyers, près de la RTB. European Smart Metering Industry Group, qui font un gros lobbying depuis des années auprès de la Commission européenne et auprès des gouvernements européens. Et eux, ils ont un marché énorme avec ça. Si on installe 200 millions de compteurs en Europe, c'est un marché de 40 milliards d'euros, plus 2 milliards par an pour le remplacement. Deuxième vainqueur dans l'opération, les gestionnaires du réseau, ils vont avoir moins de personnel pour aller relever les compteurs, donc ça les intéresse beaucoup. Et en plus, ils vont avoir un produit à marchandiser qui est vos données personnelles. Donc, je sais qu'ils disent dans les textes qu'on ne le fera pas, qu'il faudra demander l'autorisation. Mais ça, c'est bien, ça c'est écrit. Mais est-ce que nous allons passer notre temps à nous battre en permanence avec le gestionnaire du réseau pour savoir ce qu'il peut faire? Moi, je ne crois pas. Nous ne sommes pas habitués à surveiller en permanence notre consommation au point d'aller discuter toutes les 5 minutes ou tous les jours de la manière dont c'est pris en considération. Donc, les perdants, c'est nous. Le déploiement des compteurs intelligents, moi c'est ma conclusion, est un choix politique qui sert quasi exclusivement des intérêts industriels. Vous voulez bien mettre la conclusion, quand même, c'est peut-être la DIA la plus importante. Ces avantages sociétaux sont très discutables. Vous voyez, je suis très modéré. Pour moi, ils sont nuls, mais enfin, il paraît qu'ils sont... Il y en a quelques-uns. Je trouve qu'ils sont discutables. Et la référence à la transition énergétique, ça c'est un paravent pour tromper, y compris les écologistes, pour masquer le caractère intrusif, dangereux, problématique pour la santé du compteur communicant. Et alors, ça, c'est peut-être le pire. Le compteur communicant place le citoyen usager, chacun d'entre nous, sous le contrôle et la surveillance régulière dans notre intimité du gestionnaire du réseau. Et rien qu'à ce titre-là, il est intolérable. Voilà. Merci de votre attention. Bien, Paul, tu n'as dépassé que de 5 minutes et 6 secondes le temps imparti. Ce n'est pas encore trop, c'est raisonnable. Nous allons maintenant, je crois que ton exposé était clair, mais nous allons entendre maintenant une autre personne, Wendy Duhamtin, qui, comme toi, est physicienne, qui s'intéresse peut-être plus aux aspects sanitaires mais en tout cas, son exposé sera peut-être plus centré là-dessus, des objets connectés et des ondes en général. Et donc, nous allons faire un petit échange. On me signale aussi que peut-être, puisque ce sujet intéresse les personnes électrosensibles, qu'il faut mieux ici couper ces GSM et autres objets connectés. C'est vrai que les compteurs sont des objets connectés qu'on va vous imposer, mais souvent aussi nous faisons entrer de notre propre volonté beaucoup d'objets connectés et qui nous envoient des ondes sans qu'on nous y force. Peut-être nous n'en sommes pas assez conscients, mais nous devons être attentifs aussi et ne pas seulement nous rebeller contre l'obligation. Donc, vous êtes physicienne aussi et vous êtes active notamment, je crois qu'il y a que celui-ci qui marche, dans une association, Onde Bruxelles, qui s'intéresse à cette problématique. Et je vous donne la parole immédiatement. Merci, mais si vous permettez, on va changer de place parce que comme je vais devoir me lever un peu pour les slides. Donc oui, effectivement, comme vous le disiez, je suis à l'initiative avec d'autres personnes de l'initiative Onde.Bruxelles. Alors c'est pas une association, hein, parce que c'est juste au départ, c'est une action de sensibilisation du monde politique qu'on a effectuée et qui a pris la forme en fait d'un rapport d'une quarantaine de pages qui a été rédigé en réponse aux deux rapports 2016 et 2018 d'un comité d'experts désigné par le gouvernement bruxellois et qui disait en gros qu'il n'y avait rien à signaler au niveau de la santé et qu'on pouvait continuer comme on le faisait actuellement, passant évidemment à côté d'un certain nombre d'éléments importants. Voilà, je ne sais pas si on peut avoir les slides. Si vous... Oui, ok. Donc, le film l'a dit, et Paul Lannoy l'a dit aussi, donc les compteurs communicants soulèvent une problématique de santé de par les ondes électromagnétiques qu'il émet. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est pas spécifiquement orienté sur les compteurs communicants, c'est orienté sur l'aspect santé, mais de manière plus générale, par rapport à nos technologies sans fil de manière générale. Alors évidemment, c'est une question délicate, cette question de la santé et des technologies sans fil, parce que, on l'a vu dans le film, ça touche à nos petits jouets, ces petits jouets qui se sont bien immiscés dans nos quotidiens et dont beaucoup de nous auraient du mal à se passer. Et quelque part, on aimerait tous se convaincre que la situation est tout à fait sous contrôle, que les normes nous protègent, qu'on n'aurait probablement pas mis sur le marché des produits qui pourraient être dommageables à la santé. Et que si c'était si grave, on en aurait évidemment été averti. Alors, la question est aussi délicate parce que les discours divergent totalement entre les uns qui disent, et les autorités de santé en font partie, qu'il n'y a pas de problème, et les autres qui vous disent, et ce sont les spécialistes en bioélectromagnétisme, qui vous disent qu'on va droit à la crise sanitaire. Donc évidemment, entre les deux, le citoyen est bien mal pris parce qu'il est peu équipé pour pouvoir répondre à la question lui-même, d'autant plus qu'il y a beaucoup de méconnaissances, beaucoup de non-dits, beaucoup de méprises qui circulent et qui alimentent évidemment cette controverse. Alors évidemment, que tout le monde ne soit pas d'accord sur la question, c'est un fait entendu. Et je dirais même au niveau scientifique, il faut savoir que toute la lumière n'est pas faite sur la question. Il y a encore des zones d'ombre. Mais il faut avoir la sagesse de reconnaître qu'au niveau scientifique, on dispose d'énormément d'études, et ça se compte par milliers, donc de tout un panel de résultats qui montrent, donc les scientifiques qui ont fait ces études ont de solides arguments de nature scientifique qui nous permettent de questionner la thèse du rien à signaler, qui est encore celle diffusée par nos autorités de santé. Alors il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'en plaignent, qu'il y a de plus en plus de maladies, et qu'on ne peut pas continuer à attribuer cela simplement à un effet nocebo ou à un effet psychologique. Donc il est grand temps de dépasser les discours qui sont du genre « on a des normes très strictes qui nous protègent », ça c'est le discours qui est souvent annoncé par l'industrie, qu'il n'y a pas de preuves avérées du risque sanitaire, que de toute façon on est exposé partout et que donc il n'y a rien à faire, ou qu'on ne va pas arrêter le progrès, qu'il est bien nécessaire à notre développement économique. Donc l'idée de l'exposé que je vais faire ici, c'est pas évidemment d'aller dans le détail de la littérature scientifique, sinon je vous tiens toute la nuit et même encore plusieurs journées. C'est plutôt de vous donner quelques éléments de compréhension qui sont vraiment indispensables d'avoir à l'esprit quand on parle de ces sujets, pour ne pas tomber bêtement dans les arguments stéréotypés qui rendent les débats stériles. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de se rendre compte de ce à quoi on est exposé, des différentes sources que nous avons à l'intérieur ou à l'extérieur de nos maisons. Donc évidemment, vous savez que nos smartphones nous exposent, que nos bornes Wi-Fi nous exposent, ça je pense que la plupart des gens le savent, mais à l'intérieur de nos habitations et de nos lieux de vie de manière générale, on est exposé à bien d'autres choses. Ça commence par le portable de maison qui est un des objets les plus polluants, et ça va jusqu'au compteur communicant qu'on va nous installer prochainement ou qu'on ne va peut-être pas nous installer si on mène correctement les actions. Et puis ça passe entre les deux par toute une série d'autres objets connectés. Vous avez vu par exemple dans le film Take Back Your Power, il y a une image où on voit la maison avec tous les objets. Hein, vous avez le frigo, le lave-linge, l'imprimante, enfin toute une série d'objets qui auparavant n'étaient pas connectés et qui de plus en plus seront connectés. Donc ça, c'est pour ce qu'il en est à l'intérieur de nos maisons. Maintenant, à l'extérieur de nos maisons, je vais demander là-haut que vous avanciez les slides. Oui, voilà. Donc, à ce que nous avons à l'intérieur de nos maisons, s'ajoute aussi ce que nous avons à l'extérieur. Hein, c'est un peu comme la pollution de l'air. Vous avez la pollution de l'air intérieur, la pollution de l'air extérieur. Eh bien, à l'extérieur, en matière de pollution électromagnétique, nous avons comme source les antennes relais, mais pas que. Il y a aussi les émetteurs radio, les émetteurs télévision, les radars, les fameux concentrateurs de quartier dont a parlé Paul Lannoy, et puis tout ce qui s'en vient là, hein, les smart cities, smart cars, Internet of Things, où en fait on veut avancer, enfin pas tout le monde, hein, mais certains veulent avancer vers un monde tout à fait connecté, où tous les objets de notre quotidien pourront échanger des informations. Voilà, vous pouvez avancer sur le slide suivant. Alors, il y a un autre volet à la pollution électromagnétique. On en a un tout petit peu parlé dans l'exposé précédent et dans le film. Moi, je n'en parlerai pas trop dans l'exposé, mais je pense que c'est important que vous le sachiez. C'est tout ce qui concerne notre réseau électrique 50 Hz. Donc, c'est tous nos câblages électriques, tous nos appareils électriques que nous avons à l'intérieur et à l'extérieur de nos maisons. Et ça contribue aussi à la pollution électromagnétique, le 50 Hz lui-même, mais aussi toutes les hautes fréquences qu'on vient accumuler dessus, et notamment le courant porteur en ligne. Sachez-le, j'en parlerai pas plus loin parce que ça pourrait nous occuper longuement encore, mais sachez que c'est un deuxième volet de la pollution électromagnétique. Voilà, vous pouvez avancer. Alors, donc on se retrouve finalement avec un environnement électromagnétique qui est celui-ci. Donc on a multiplié le nombre d'objets électroniques, électriques connectés, on a multiplié le nombre de câbles, le nombre d'antennes. Donc tout ça vient se superposer les uns aux autres. On superpose aussi toutes les technologies, c'est-à-dire qu'on a la 2G, la 3G, la 4G, éventuellement bientôt la 5G. Hein, mais il y a un protocole d'accord qui a été signé cet été aussi, hein, pendant l'été. Là, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont été très, très productifs. Donc il y a un protocole d'accord qui est signé à Bruxelles pour installer la 5G, qui va venir évidemment se superposer au reste. Hein, ça ne va pas supprimer la 4G, la 3G, la 2G. Alors, on a le Wi-Fi, qui avant fonctionnait à 2,4 GHz, qui maintenant fonctionne sur une autre fréquence aussi, qui est le 5,6 GHz. On a le Bluetooth, on a le DECT de nos appareils, des téléphones portables de maison, on a le CPL, et tout ça vient s'ajouter, tout ce qui est radio, télédiffusion, les antennes Astrid pour les réseaux d'urgence, les antennes Tetra pour la STIB, les radars, les concentrateurs de quartier dont on a parlé, etc. Et évidemment, nous sommes exposés de manière prolongée à tout ça. Ce n'est pas juste ponctuel, c'est tout au long de notre vie. Et c'est, si on n'y prête pas garde, c'est finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et cette pollution est évidemment croissante au regard des décisions qui se prennent actuellement. Alors, une autre problématique aussi importante, c'est qu'évidemment, tous ces objets connectés sont de plus en plus utilisés par les enfants. Alors, ils étaient déjà exposés passivement de par le fait qu'ils étaient dans des environnements où des adultes utilisaient tout ça, mais maintenant, de plus en plus, les enfants eux-mêmes utilisent tout cela et ils sont beaucoup plus vulnérables que les adultes encore à cette pollution. Alors, l'habitat basse énergie vient amplifier encore tout ce problème. Bon, ça, j'aurais pas trop l'occasion d'en parler, mais sachez-le aussi, parce qu'on se crée en fait des cages de Faraday dans lesquelles tout rayonne. et qu'en plus, on rajoute toujours plus d'objets connectés. Enfin, il y a toute une série de raisons qui expliquent que l'habitat basse énergie accentue tout ce problème. Et donc, on est dans un contexte où il y a une méconnaissance totale du problème, tant par la population que par les professionnels de la santé et de la construction, que par les décideurs, et que cette méconnaissance est en partie aussi entretenue pour des raisons que je vous laisse imaginer. Et puis, dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a des normes qui sont supposées nous protéger et qui, en fait, sont totalement inadéquates. Ça, on aura l'occasion de revenir dessus. Voilà. Alors, les ondes électromagnétiques, si vous regardez dans les livres de physique, on va vous les représenter comme ça. Ce sont de belles sinusoïdes. En rouge, vous en avez une qui est plus étalée que celles qui sont en bas, qui sont plus compactées. Donc, elles oscillent un certain nombre d'oscillations par fréquence, et ce nombre d'oscillations par seconde, pardon, on appelle ça la fréquence. Donc ici, vous voyez, la mauve a une fréquence plus élevée que la rouge, parce que donc elle est plus resserrée. Donc si on classe tous les champs et les rayonnements électromagnétiques en fonction de leur fréquence, en prenant les plus basses du côté gauche et les plus élevées du côté droit, on se retrouve avec ce qu'on appelle un spectre électromagnétique. On va pouvoir retrouver différents types d'ondes électromagnétiques. Alors, il y a sur ce spectre une fenêtre que vous connaissez tous très bien parce qu'elle vous est très familière. C'est cette petite fenêtre en jaune qui se trouve ici et qui est celle de la lumière visible. Donc, la lumière visible, c'est une onde électromagnétique à une fréquence aux alentours de 10 exposant 15 Hz. Ça fait 1 million, 2 milliards d'oscillations par seconde. Voilà, donc vous avez toutes les couleurs entre le rouge et le violet. Alors cette lumière visible, en fait, on ne voit pas l'onde. Par contre, on voit son effet sur la matière qui est en fait donc l'effet des couleurs. Alors de l'autre côté, donc à gauche de la lumière visible, dans les fréquences un peu plus basses, vous avez l'infrarouge qu'on ne voit pas non plus, mais dont on peut percevoir les effets sur la matière sous la forme, cette fois, de chaleur. Au-delà de la lumière visible, vous avez l'ultraviolet. Au-delà de l'ultraviolet, vous avez les rayons X, par exemple ceux de nos radiographies. Vous avez les rayons gamma, qui sont par exemple ceux de désintégration radioactive de la matière. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez deux zones. En bleu foncé, les hautes fréquences, qui est en fait toute la zone qui a été investie par nos technologies sans fil. Vous pouvez avancer sur la présentation. Non, avancer. Voilà. Donc vous avez du côté plus haut les micro-ondes qui ont été utilisées pour les radars, vous avez du côté plus bas les radiofréquences qui ont été utilisées pour la radio. Le CPL est ici dans la partie basse de ces hautes fréquences. Et puis entre les deux, vous avez tout ce qui sert pour nos technologies sans fil, que ce soit donc les antennes, les téléphones, le Wi-Fi, le Bluetooth, qui fonctionnent exactement à la même fréquence que le four micro-ondes. Et puis plus bas, vous pouvez avancer sur le slide aussi. Non, avancer, ça c'est reculé. Vous avez cette fameuse fréquence 50 Hz, qui est celle de notre circuit électrique. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur ce slide? Vous voyez cette séparation entre les rayonnements ionisants ici à droite et les rayonnements non-ionisants à gauche. Ionisants, ben, quelque part, en fait, il y a consensus là-dessus, il vaut mieux s'en méfier, parce que les rayonnements ionisants sont capables d'arracher des électrons à la matière, sont capables de rompre des liaisons chimiques, et donc ça peut entraîner, par exemple, des dommages à l'ADN, et donc engendrer une cancérogénisation. Donc on le sait, il y a consensus au niveau scientifique là-dessus, les rayonnements ionisants, il ne faut pas en abuser. Il vaut mieux d'ailleurs s'en passer globalement, à part les rayonnements naturels. Et donc, par opposition à ça, on a tendance à se dire, les rayonnements non-ionisants, ceux-là, ils ne doivent pas être dangereux, puisqu'ils ne sont pas ionisants. Alors, je vous invite à réfléchir un peu plus loin et à vous dire, un four micro-ondes, ça fonctionne avec des ondes de haute fréquence, micro-ondes, donc. Si vous mettez un chat dans votre four micro-ondes et que vous allumez votre four micro-ondes, je donne au chat peu de chances de survie. Pourquoi? Parce qu'on va allumer, il va y avoir de la puissance qui va être émise sous forme de radiofréquence, que ces molécules vont se mettre à s'agiter, à se frotter l'une contre l'autre, ça va chauffer ses tissus. Et à un moment donné, ça va passer au-delà du seuil de survie du chat et il risque de mourir. Ok, là-dessus, il y a consensus aussi. Donc, on est bien d'accord sur le fait que les micro-ondes peuvent impacter la santé, mais à un niveau qui élève la température suffisamment haut pour que les cellules en meurent. Ok. Mais est-ce que c'est le seul effet? Et c'est là tout le débat, parce que fort heureusement, on ne vit pas tous dans un four micro-ondes, même aucun d'entre nous, parce qu'on n'aurait pas survécu. mais on vit malgré tout dans ce même genre de fréquence. Et donc on peut se poser la question de savoir si oui ou non, des niveaux d'intensité plus bas que les fours micro-ondes ont un impact sur notre santé, même quand les niveaux ne sont pas suffisants pour élever la température. Et c'est évidemment là, je vous laisse imaginer, que s'entredéchirent les uns et les autres, parce que tout le monde n'est pas d'accord, et là-dessus, il n'y a pas consensus. Alors, évidemment, là, on parle de niveau d'intensité, donc c'est important de veiller à ne pas avoir des intensités trop élevées, et il faudra déterminer le niveau. Mais, comme dans le cas du bruit, ben, il ne faut pas dépasser une intensité de bruit. Mais après, se pose la question aussi de à quel type de bruit sommes-nous soumis. Parce que même si l'intensité, la puissance sonore est acceptable au niveau de l'oreille, si c'est un bruit très répétitif ou si c'est une musique classique, vous n'allez probablement pas avoir le même ressenti du tout. Donc voyons ce qu'il en est pour les ondes électromagnétiques sur le slide suivant. Voilà, encore, oui, encore une fois. Donc si on reprend, vous revisualisez l'onde électromagnétique de nos beaux livres de physique qui étaient représentés tout à l'heure, eh bien vous comprenez bien qu'avec une onde comme ça, c'est difficile d'aller transmettre un signal, or c'est bien l'objectif de nos technologies sans fil. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps quand on a eu la radio? N'hésitez pas à me dire de temps à autre où j'en suis au niveau du timing, hein, parce que je parle. Ok. Et donc avec la radio, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des fréquences porteuses dans cette gamme bleue foncée que je vous ai montrée. Et sur ces fréquences porteuses, on a superposé des fréquences plus basses. Et donc ça vous donne par exemple en haut la radio AM, donc modulée en amplitude. Hein, vous voyez, il y a la fréquence haute qui est celle qui est aussi vite. Et puis il y a une fréquence plus basse qui est aussi plus lentement et qui module l'amplitude. On peut moduler aussi la fréquence. Donc c'est le même principe, c'est que vous venez superposer à une fréquence plus élevée qui est porteuse, une fréquence plus basse. Donc ça c'était pour la radio. Évidemment avec ça, on transmet un signal, mais on n'a pas une infinité de possibilités. Et on doit pouvoir, à l'heure actuelle, transmettre beaucoup plus. Et on doit aussi pouvoir transmettre de manière codée. Parce que les signaux radio, il suffit que vous ayez l'antenne et vous entendez tout. Ce serait malvenu que tout le monde puisse entendre toutes vos conversations, vos mails et compagnie. Donc, on a avancé vers autre chose. Vous pouvez cliquer là-haut. Non, avancer. Oui, voilà. Alors, on a avancé vers ce qu'on appelle des ondes numériques. Alors, les ondes numériques, en fait, c'est transmettre des 0 et des 1. Donc pour transmettre des 0 et des 1, c'est beaucoup plus commode d'avoir un signal comme ceci qu'un signal sinusoïdal. Mais pour construire un signal comme ceci à partir d'ondes sinusoïdales, ben on est obligé de superposer de nouveau toute une série de fréquences plus basses, de manière à ce qu'elles interfèrent de manière constructive et destructive, et qu'au final elles créent des signaux carrés qui transmettent des 0 et des 1. Donc ça c'est de nouveau, on rajoute encore des fréquences plus basses à la fréquence porteuse, et puis ça ne s'arrête pas là, donc si vous avancez encore... Non, avancer. Voilà. C'est qu'en plus, ben, il faut bien se partager les fréquences porteuses. Donc, il faut que chacun, nous ayons la possibilité d'avoir finalement une partie du temps qui nous est consacrée. Et donc, on envoie les choses sous la forme de pulsations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous recevez votre signal, puis plus rien, puis de nouveau, puis plus rien. Puis... Évidemment, les temps sont très rapprochés, de sorte que vous ayez l'impression que vous entendez en continu, mais en fait, vous n'entendez pas en continu. Et donc si on cumule tout ça, sur le slide suivant, vous voyez par exemple, ça c'est le signal d'une interface Wi-Fi sur un PC, où on a cumulé donc, hein, toutes ces fréquences sur la fréquence du Wi-Fi qui est à 2,4 GHz. Ça donne quelque chose comme ceci qui a une allure tout à fait aléatoire. Et donc on vous dira, oui mais bon, il n'y a pas de souci, hein. Si vous faites la moyenne de tout ça, il y a vraiment, on est tout à fait dans les normes, il n'y a vraiment aucun tracas. Je dis, oui, ok, très bien, mais nos cellules, elles ne vivent pas la moyenne, elles vivent bien les réalités de tous ces pics. Et donc on en a bien parlé dans le documentaire, les compteurs communicants, ils communiquent peut-être que de temps à autre, et au total, peut-être qu'ils n'émettent des ondes que pendant 45 à 60 secondes, mais si ces 45 à 60 secondes sont étalées sur 10 000 pics par jour, en fait, vous avez 10 000 fois par jour vos cellules qui sont secouées de cette manière-là. Et donc on peut à juste titre se poser la question de savoir si ce type d'onde n'est pas plus impactant pour notre santé que des ondes qui ne sont pas modulées, qui ne sont pas pulsées. Alors on va avancer. Voilà. Donc on me dit, bah oui, mais pourquoi tu t'inquiètes de tout ça? Parce qu'on a des normes qui nous protègent. Donc si vous avez déjà acheté un smartphone, et j'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre vous, quand vous l'avez acheté, normalement sur l'étiquette, vous avez dû voir un indice DAS, qui doit pouvoir se comparer à la norme DAS, qui en Europe est de 2 watts par kilo pour les téléphones. Et donc cette norme DAS, en fait, elle mesure le niveau thermique, le niveau d'élévation de température qui va être occasionné, par exemple, au niveau de votre oreille pour votre téléphone. Et donc, dans ce paradigme où on accepte l'effet thermique, ben, on ne peut pas monter au-delà d'une certaine température. Donc, il y a une norme qui impose qu'on reste en deçà. Ça, c'est pour tous les appareils que vous pourriez acheter. Il y a des normes DAS. Par contre, pour les antennes, là, on utilise autre chose. C'est qu'on utilise, en fait, la puissance qui vous parvient. Et on met une norme sur cette puissance qui vous parvient, qu'on appelle la densité de puissance. On va avancer sur le slide suivant. Si on met maintenant sur une échelle de densité de puissance où se trouvent les normes, voilà, cliquez. Oui, en haut. Voilà, alors le DAS de 2 watts par kilo en Europe, ça équivaut à peu près à 5000 microwatts par centimètre carré, ça se trouve là-haut. Si vous cliquez encore, on va voir, non, dans l'autre sens, voilà. Là, on voit apparaître la norme, les recommandations OMS pour les antennes, qui varient en fonction de la fréquence. Hein, c'est pour ça que c'est un peu étalé dans la largeur. Et si vous allez encore un petit peu plus loin, vous verrez. Donc à Bruxelles, on s'est dit, on va être plus prudent. On va être 50 fois plus prudent. Avancez, oui. Non, avancez. Voilà, on est 50 fois plus prudent. Et donc, on se retrouve ici, à Bruxelles, avec une norme qui est à 9,6 microwatts par centimètre carré. Pour ceux qui ont l'habitude de parler en volts par mètre, ça correspond à 6 volts par mètre. Bon, donc ça c'est pour les recommandations et pour les normes. Maintenant, que disent les spécialistes? Si vous pouvez avancer. Oui. En fait, je pense que vous n'avez pas pris la bonne présentation, c'est pour ça probablement qu'il faut chaque fois recliquer. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir avec celle-là. Donc les spécialistes, par exemple, ceux qui se sont regroupés au sein de l'Académie environnementale, l'Académie européenne de médecine environnementale, eux recommandent d'être en valeur de jour, hein, donc pour les expositions de jour, en deçà de 0,01 microwatt par centimètre carré. En valeur de nuit, si vous avancez sur les slides, ils divisent par un facteur 10, et donc on est à 0,01 microwatt par centimètre carré. Et pour toutes les personnes vulnérables dont font partie, par exemple les personnes électro-hypersensibles, mais aussi les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des infections, ils divisent encore par un facteur 10. Voilà, avancez. Oui, c'est définitivement l'autre présentation qu'il fallait prendre. Si vous voulez changer rapidement, hein, vous pouvez, mais il n'y aura plus trop d'animation de ce genre. Hein, Et alors pour le Wi-Fi, en fait, qui manifestement aurait une nocivité encore plus grande, tout est encore divisé par un facteur 10, donc on va voir redéfiler l'ensemble, je pense, quand monsieur va cliquer. Oui, c'est ça. C'est parce que je voulais vous faire une présentation PDF qui n'a pas les animations, et du coup j'ai converti en PDF pour avoir les animations, et j'étais obligée dans mon PowerPoint de refaire le tout. Comme ça vous savez tout. Donc le Wi-Fi, on divise encore par un facteur 10. Voilà, alors, voyons un peu, parce que tout le monde ne l'aura peut-être pas remarqué, mais il s'agit d'une échelle logarithmique. Et une échelle logarithmique, en fait, entre toutes les barrettes qui sont ici, il y a un facteur 10. Donc on va compter ensemble, on va prendre le plus haut là, hein, celui, les valeurs de jour, 0,01, vous avez un facteur 10, 2 facteurs 10, 3 facteurs 10, ça fait déjà 1000, 4 facteurs 10, ça fait 10 000, 5 facteurs 10, ça fait 100 000 déjà. Si vous prenez les enfants, on est donc 100 000, on était à 1 million, 10 millions. Donc les recommandations de l'OMS sont 10 millions de fois au-dessus de ce que recommandent les spécialistes pour l'exposition des enfants. Alors évidemment, on se dit, ben, il y a erreur là, il y a quelque chose qui ne va pas. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle bien des mêmes choses? Alors voyons comment ces normes ont été conçues et finalement de quoi elles nous protègent. Donc si vous pouvez avancer sur le slide suivant. Ah oui, on voit encore, oui, tout à fait. Pour être sûr que vous l'ayez bien enregistré. Ah oui, le rayonnement haute fréquence naturelle, il est là en dessous. Hein, donc les spécialistes sont encore très, très souples par rapport au rayonnement HF naturel. Voilà, alors maintenant je pense que ça va pouvoir avancer plus rapidement. Donc les normes, elles ont été établies en 1998, il y a 20 ans. À l'époque, on considérait, donc c'est la Commission internationale de rayonnement, de protection contre les rayonnements non ionisants, l'ICNIRP. Et donc à l'époque, on considérait qu'étaient exposés les adultes en bonne santé, qui ont été simulés par des mannequins avec une composition homogène, qu'ils étaient exposés pendant 30 minutes. Et puis qu'après, le temps était tellement long qu'en fait, on ne devait pas se préoccuper de l'exposition suivante. Et le postulat qui a été fait, c'est que seul l'effet thermique pouvait impacter la santé. Donc on a considéré que les tissus ne devaient pas s'élever au-delà de 1 degré, hein, ça paraissait raisonnable. On en a tiré un débit d'absorption spécifique qui est de 4 watts par kilo. On a appliqué quand même, bah, on applique le principe de précaution. Donc on a appliqué un facteur de sécurité, 10 pour les travailleurs, 50 pour nous, hein, ça c'est le grand public, c'est nous. Et on en a tiré des valeurs limites qui ont été retenues par l'OMS et validées par l'Europe. Ah oui, mais je vais un peu courir. Ok, donc on avance. Il y a un certain nombre de questions qui peuvent se poser du coup. Ben, qu'est-ce qu'il en est des expositions prolongées? On a dit 30 minutes, hein, on n'a pas parlé du fait qu'on était exposé tout le temps. Qu'est-ce qu'il en est des enfants, de toutes les personnes plus vulnérables? Qu'est-ce qu'il en est de la multiplicité des appareils qui rentrent dans nos lieux de vie? Parce qu'évidemment, c'est très bien, la norme DAS, ça s'applique à un appareil pris individuellement, mais quand vous, dans vos maisons, vous multipliez de la même manière qu'on l'a vu dans le documentaire, ben, les normes ne vous disent rien par rapport à ça. Et puis, surtout, est-ce que l'effet thermique, c'est vraiment le seul effet? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Alors, vous pouvez avancer sur le slide suivant. Voilà, alors voyons, hein, le point de vue officiel, j'ai été sur le site de l'OMS encore aujourd'hui, je vais régulièrement revoir, hein, sait-on jamais que ça changerait un jour. Et l'OMS nous dit, je ne sais pas depuis quand ils ont mis ça, toutes les analyses effectuées jusqu'ici montrent que lorsque l'exposition reste inférieure aux limites recommandées par l'ICNIRP, hein, cette fameuse commission dont je vous parlais, qui date de 1998, il ne se produit aucun effet indésirable connu sur la santé, mais ils vous mettent quand même en garde, des lacunes subsistent néanmoins dans nos connaissances. Voyons le point de vue des spécialistes en bioélectromagnétisme sur le slide suivant. De nombreuses publications récentes montrent que les champs électromagnétiques affectent tous les organismes vivants et ce, à des seuils bien inférieurs à ceux de la plupart des recommandations nationales et internationales, donc entendez par là OMS et tout le bazar. Les dommages vont bien au-delà de l'espèce humaine, des preuves évidentes, toujours plus nombreuses, montrent les effets néfastes des ondes sur tous les végétaux et les animaux, d'une simple cellule à l'abeille et aux mammifères. Donc quand on se préoccupe des syndromes, comment on appelle ça, les effondrements de colonies d'abeilles, là, ben on devrait se poser la question si tout ceci n'impacte pas aussi, en plus des pesticides. Alors, et les spécialistes nous disent que il existe bel et bien, et ils ont de solides arguments pour le montrer, il existe bel et bien d'autres effets que l'effet thermique, des effets biologiques, qui apparaissent même au niveau d'expositions qui sont dites faibles, et je mets les guillemets de la même manière que Paul Lannoy le faisait tout à l'heure avec les compteurs intelligents, expositions dites faibles que nous subissons, et que ces effets biologiques, eh bien, c'est pas de chance, mais ils sont d'autant plus importants que l'exposition est multiple et prolongée, que les ondes sont modulées, pulsées, polarisées. Alors on a vu qu'elles l'étaient, bon, polarisées, je n'ai pas eu l'occasion de vous expliquer, mais elles le sont aussi. Que les individus sont vulnérables, et donc tous les individus de petite taille, dont font partie les enfants, mais aussi les petits animaux par exemple, les personnes avec des infections, les expositions à d'autres stress environnementaux, les personnes électro-hypersensibles, tous ceux-là sont évidemment plus impactés par ceci. Donc, vous pouvez avancer encore. Donc, qui croire? Je vous laisse répondre à la question, moi j'ai ma réponse. Je vous invite cependant à faire les constats suivants. C'est que sur le terrain, il y a de plus en plus de personnes qui se plaignent de troubles de santé et à des niveaux d'exposition qui sont en deçà des niveaux thermiques, que les statistiques de santé sont quand même assez interpellantes. Alors loin de moi l'idée de vouloir tout mettre sur le compte de la pollution électromagnétique, mais on peut quand même se poser la question et se laisser interpeller. Troisième constat, c'est qu'il y a des milliers d'études, tant épidémiologiques que des études en laboratoire in vitro, des études en laboratoire in vivo, qui mettent en évidence des effets biologiques et sanitaires à des niveaux d'exposition non thermique, et qu'en plus de tout ça, on a actuellement des hypothèses plausibles pour expliquer comment les ondes interagissent avec notre biologie. Donc la question n'est pas tant qu'y croire, la question c'est plutôt quel niveau de preuve est-ce qu'on va devoir attendre pour qu'on prenne action dans le sens de la santé. Alors là, ça nous vient de l'industrie du tabac. Un rapport de l'OMS, hein, comme quoi parfois ils écrivent des choses qui font sens. Donc une demande de preuves scientifiques est quelque part toujours une manière de gagner du temps, de rester dans l'inaction. En fait, la preuve scientifique n'a jamais été, n'est pas et ne devrait jamais être la base d'une action politique ou légale. Bon, pour une fois, on est d'accord avec eux. C'est le retour d'expérience de l'industrie du tabac. Alors, retour d'expérience de l'industrie du tabac aussi, on l'a cité dans le film, donc la fabrique du doute. Hein. Vous vous doutez bien qu'évidemment, pour pouvoir entretenir ce discours de « il n'y a pas de problème, rien à signaler », etc., en fait, le meilleur moyen, c'est quelque part d'entretenir le doute. Comme ça, les citoyens continuent à douter et entre-temps, il n'y a rien qui se fait. Voilà. Donc ça, c'était écrit dans une note en 1969 déjà. On va avancer encore, parce que je crois que le temps entre-temps doit être écoulé. Oh, j'ai encore des choses à vous dire. J'ai un petit peu débordé aussi, je crois. L'OMS a malgré tout classifié les ondes électromagnétiques de radiofréquence de nos téléphones et toutes ces technologies dans la catégorie 2B. On en a parlé dans le documentaire. C'est la catégorie des substances potentiellement cancérigènes. Dans cette catégorie, on trouve aussi, et là je pense qu'on va revoir défiler les choses si vous avancez, on trouve aussi le DDT, le plomb, les gaz d'échappement des moteurs à essence. Bon, voilà, je ne pense pas qu'on voudrait s'en asperger au quotidien. Et de plus en plus de spécialistes, au regard de toutes les avancées qui ont été faites au niveau scientifique, demandent une reclassification au moins en catégorie 2A, cancérigène probable, et voire même en catégorie cancérigène certain. Bon. Alors, le cancer, c'est évidemment quelque chose qui est en bout de chaîne. Un cancer, ça ne vous tombe pas dessus comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se prépare depuis de longs mois, voire de longues années. Et donc, entre-temps, avant l'apparition d'un cancer, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Et elles se passent pourquoi ? Ben, simplement parce que, en fait, nous sommes tous électrosensibles. Tout le vivant est électrosensible. En ce sens qu'on fonctionne pas uniquement sur des principes biochimiques, on fonctionne aussi sur des principes biophysiques. Et donc, on est électrosensible. Alors, moi, j'ai l'habitude de faire cette distinction entre électrosensible et électro-hypersensible. Je pense que c'est important de la faire parce que ça permet de se rendre compte qu'en fait, on est tous impactés, même si on n'est pas hypersensible. Alors, l'hypersensible, en fait, lui, il sent les symptômes, il sent des manifestations physiques. On en a parlé dans le documentaire, donc je ne vais peut-être pas m'attarder sur le slide suivant. Enfin, sauf si vous me laissez un petit peu plus de marge. Voilà, donc toute une série de symptômes qui sont fréquemment relatés. Il faut juste se rendre compte que, évidemment, ce sont tous des symptômes qui ne sont pas spécifiques. Ça rend évidemment le diagnostic d'autant plus difficile, parce que ça peut être attribué à d'autres choses aussi. Et ils ne sont pas spécifiques, simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, notre corps répond avec ce qu'il a à une agression extérieure, au même titre qu'il pourrait répondre, comme ceci, à une agression, je sais pas moi, un stress extérieur, un stress chimique, un stress physique ou autre. Donc sur le slide suivant, pour vous expliquer globalement ce qui se passe, mais c'est vraiment très très très très raccourci, c'est qu'en fait, toute agression extérieure, qu'elle soit chimique, qu'elle soit électromagnétique, qu'elle soit physique ou émotionnelle, engendre en fait de l'oxydation et de l'inflammation qui vont s'auto-entretenir. Alors c'est des processus tout à fait physiologiques qui sont nécessaires normalement au corps pour se défendre vis-à-vis de l'agression. Mais vous comprenez bien que si ce processus est chronique qui s'étale dans le temps, eh bien ce cercle vicieux oxydation-inflammation va entraîner un certain nombre de dommages. Et donc ces dommages, ça peut être, si vous avancez, voilà, dégâts aux cellules, aux protéines, à l'ADN, des mutations, des épimutations. On va perturber les hormones et les neurotransmetteurs. Ça explique notamment pourquoi on peut avoir des difficultés, un sommeil perturbé. On va perturber les barrières, notamment la barrière hémato-encéphalique, intoxication. On produit moins bien son énergie. Donc tout ça, ça mène en fait à un épuisement des réserves du corps, à une immunité qui est sursollicitée. Et au final, c'est pas étonnant qu'après un certain laps de temps, on voit apparaître, oui, vous pouvez avancer plus loin, on voit apparaître des pathologies plus lourdes, encore un peu plus loin, comme les cancers, les infections à répétition, les troubles neuropsychiatriques qu'on attribue aux personnes électro-hypersensibles, mais c'est jamais qu'une conséquence de leur électro-hypersensibilité, l'infertilité, maladies chroniques et dégénératives. J'arrive au bout, on va passer au... Voilà. Alors ici, c'est un petit graphique que je vous montre en conclusion et que j'ai emprunté à une scientifique québécoise, non, canadienne, qui fait un travail remarquable, notamment par rapport à tout ce qui concerne les enfants, et qui nous dit, ben voilà, c'est la situation présente, c'est qu'on est un peu comme si on était dans une piscine avec un certain niveau d'eau, et dans cette piscine, eh ben, c'est pas de chance, mais les plus petits et les plus vulnérables, eh ben, ils sont sous eau, et tant pis pour eux. Par contre, ceux qui sont plus forts et plus grands, ben, eux, ils s'en sortent. Alors, il y en a un petit qui a été plus malin que les autres, qui s'est mis en hauteur, qui a réussi à se tirer d'affaire. Et donc, elle pose la question de savoir, mais quel est notre avenir ? Et il y a deux scénarios qui en sortent. Le premier, si vous avancez dans les slides, c'est celui-ci. En gros, on continue à dire qu'il n'y a pas de problème. On continue avec des normes qui sont inadéquates. On continue à mettre toujours plus de technologies. Donc, on avance vers la 5G, on avance vers les compteurs communicants. On met du Wi-Fi dans les classes, etc. Et donc, en fait, on ne fait qu'augmenter le niveau d'eau. Et vous voyez, même le petit bonhomme qui avait réussi à se tirer d'affaire, maintenant, il est sous le niveau d'eau. Mais, et c'est heureux, il y a aussi une autre option, et c'est celle-là qu'il faut essayer de défendre, c'est qu'on change les normes, qu'on adapte les normes pour qu'elles soient réellement protectrices, qu'on câble tout ce qui peut être câblé, notamment dans les écoles, qu'on établisse des zones qui soient des zones neutres au niveau pollution électromagnétique pour que les personnes les plus atteintes puissent s'y réfugier, que éventuellement, s'il le faut, on aille vers des compteurs communicants, mais alors, je prends que l'argument santé, hein, mais alors au moins ces compteurs communicants, il faut les câbler, et pas les câbler par CPL, les câbler vraiment par un câble Ethernet ou de la fibre optique, quelque chose du genre, et qu'on crée tout du matériel, donc des appareils électroniques qui soient donc câblables, qui est donc le câble, c'est encore la seule solution qu'on ait à l'heure actuelle pour accéder à Internet et connecter des objets d'une manière qui ne soit pas dommageable pour la santé. Voilà, alors, je voulais juste vous montrer encore sur le slide suivant, si ça vous intéresse d'aller plus loin, parce que j'ai dû aller très vite, évidemment, non plus loin. Oui, voilà. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a deux livres que je trouve très bien faits. Un plus de vulgarisation qui est celui-ci, l'autre plus à un niveau scientifique qui est celui-là. Je vous invite vraiment à les lire si vous voulez en savoir davantage. Et il y a un documentaire qui vient de paraître aussi cet été, sur le slide suivant, pour ceux qui parlent anglais, parce que ce n'est pas traduit. Ça s'appelle Generation Zapped, donc Génération Zappée, et qui enquête sur tout ce sujet de la pollution électromagnétique qui nous environne. Voilà. Merci. Mais donc, toutes ces technologies qui nous envahissent et qui étaient l'objet de la réunion de ce soir, je crois que vous en savez beaucoup plus sur leurs effets physiques et donc sur notre santé. Vous avez aussi peut-être un peu vu leurs effets sur nos portefeuilles, parce que ça va avoir aussi un impact. Et troisième exposé que vous entendrez tout à l'heure, celui de quelqu'un qui se préoccupe de l'effet de ces technologies connectées sur les enfants, notamment dans le cadre de l'enseignement. Donc, il y a l'effet physique, l'aspect économique, et on verra peut-être l'aspect psychologique, parce qu'on est tous un peu séduits, si pas hypnotisés, par ces petits jouets qui, effectivement, nous envahissent de plus en plus. Je voudrais quand même préciser qu'on a invité tous les élus, parce qu'on voit que c'est une question importante, on a invité tous les élus communaux. Je voudrais savoir s'il y en a un qui est là. Voilà. Et donc, ça ne fait pas beaucoup, quoi. Mais, voilà. Et donc, maintenant, si vous n'avez pas l'appétit coupé, pendant une petite heure, on va se restaurer collectivement. Et puis, nous aurons encore une petite heure d'un exposé sur les technologies dans l'enseignement et sur les enfants. Et puis, vous pourrez encore poser toutes les questions que vous souhaitez aux deux orateurs précédents et au troisième qui viendra tout à l'heure. Merci.